Maintenant, pour finir en beauté, je vais vous ouvrir les portes d'un studio d'enregistrement et vous révéler l'un de leurs petits secrets. Dites-moi, que pensez-vous de ce morceau de musique ? Pas mal, mais un peu terne, vous ne trouvez pas ? Mais voilà ce que donne le même morceau une fois passé dans la moulinette des ingénieurs du son. Là, au moins, il y a de la brillance, du relief. Merci, l'informatique. Eh oui, tous ces effets sont obtenus grâce à des logiciels spécifiques qui trafiquent le son. Le trafic a un point extraordinaire. C'en est même une bénédiction pour certains chanteurs ou chanteuses. Écoutez donc celle-ci. Quelle casserole! Heureusement, là encore, il y a des logiciels qui permettent de rectifier le tir. Et voilà ce qu'on obtient. Elle chante juste maintenant. Ce petit miracle est dû à un logiciel de correction. Il détecte les fréquences des notes chantées et les corrige automatiquement pour obtenir la note juste. On comprend mieux maintenant pourquoi certains artistes préfèrent chanter au playback. Suivez mon regard.